الحمد لله واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم اما بعد. Nous sommes toujours là actuellement dans le hadith الثالث وعشرين, le 23e hadith qui concerne la vertu de l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala, de la purification. Et là, nous allons continuer dans la deuxième partie de ce hadith, qui était le hadith de Abi Malik al-Ash'ari, apporté par l'imam muslim. Donc là, nous allons prendre à partir de la parole « وَالصَّبْرُ دِيَاءٌ » car le hadith lui était « وَالصَّلَاةُ نُور » que la salat est une lumière, « وَالصَّدَقَ بُرْهَانٌ » que la sadaqa est un argument. Et là, on poursuit dans « وَالصَّبْرُ دِيَاءٌ » et que la patience est une lueur, ou plutôt une lumière ardente. Une lumière ardente. Donc il dit « قَوْلُهُ وَالصَّبْرُ دِيَاءٌ » et la patience est une lueur ardente. Déjà avant ça, on voit que les trois genres de luminosité ont été cités dans ce hadith lorsqu'il dit « wa salatu nur » que la salat est une lumière, « wa sadaqa burhanun » et que la sadaqa est un burhan, est un argument, « wa sabru diya'un » et que la patience est une lueur ardente. « Nur »,« burhan »,« wa diya'un » sont des mots synonymes qui tombent tous autour d'eux. La lumière. Cependant, il y a un ordre. Car fi qouli ta'ala, ja'ala ash-shamsa diya'an wal qamara nura, qu'il a fait du soleil une lueur ardente et de la lune une lumière. Ad-diya, c'est une lumière avec de la chaleur, qui dégage une certaine chaleur. Et nur, c'est une lumière normale. Wa burhanu, c'est comme un rayon. Burhan ou Shams, ce serait un rayon de soleil. Donc les trois tournent autour de la luminosité. Cependant, Ad-Diya, est-ce qu'il y a de plus fort? Ad-Diya, car c'est une lumière avec une chaleur ardente, telle est celle du soleil. Ad-Diya, c'est ce qu'on appelle, en arabe, c'est la lumière du soleil, car elle dégage de la chaleur. Et on sait tous que le soleil éclaire bien plus que la lune. Naam. Donc il dit la tahsulu ibadatun wa la tahsulu sadaqatun wa la tahsulu kathirun min al-khayrat illa bis-sabr was-sabru diya'un yastadi'u al-insanu bihi fi dunya. Donc il dit qu'il n'est pas possible d'accomplir des adorations, ni de faire des aumônes, ni de faire beaucoup de bien si ce n'est par as-sabr, la patience, l'endurance, le fait de supporter, d'endurer. Et que la patience est une lumière par laquelle s'illumine la personne dans ce bas monde. Wa qala ta'ala, wa qala Allah subhanahu wa ta'ala, wa man yulqaha illa alladhina sabaru wa man yulqaha illa zu hazin azim. Et que c'est un privilège que seuls ceux qui ont patienté reçoivent, et c'est un privilège que seuls ceux qui sont dotés d'une grâce infinie reçoivent. C'est-à-dire la grâce infinie d'Allah subhanahu wa ta'ala ne vient que pour ceux qui ont patienté et ceux qui ont reçu une grâce infinie de sa part. Donc il dit فَلَا يَتَلَقَّ الْخَيْرُ سَوَاءٌ مِنَ الْأَخْلَاقِ أَوْ مِنْ غَيْرِ ذَلِكَ إِلَّا بِالصَّبْرِ, que personne ne peut recevoir comme privilège, par exemple, le bon comportement ou autre, si ce n'est par le biais de la patience. قَالَ تَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَصَابِرُوا وَرَابِطُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Ô vous qui avez cru, patientez et enjoignez-vous dans la patience et dans l'endurance, et gardez les frontières, c'est-à-dire combattez sur le sentier d'Allah, afin que vous réussissiez. فَالصَّبْرُ مَعْكُونِ نُورًا أَيْضًا وَفَلَاحٌ. Et que la patience, bien qu'elle soit une lumière, est également une réussite. وَهُوَ أَيْضًا قُوَّةٌ, et c'est également une force. وَالْهَرَأَيْتَ كَثِيرًا مِنَ الْمُتَسَوِّلِينَ أو من السراق أو من المتلسسين أو من المتهالكين على الدنيا إلا بعدم صبرهم على حاجة. Donc il dit, et tu ne vois pas, par exemple, les mendiants, les gens qui demandent de l'argent, le faire, ou les voleurs se mettre à voler, ou les dérobeurs, ou ceux qui se détruisent pour obtenir les biens de ce bas monde, si ce n'est par leur manque de patience face aux besoins. Ces gens-là ont un manque de patience face aux besoins, de là, ils se précipitent et tombent dans des actes proscrits. Car ils ne patientent pas. Car ils ne patientent pas. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين عن أبي سعيد حين سأله ناس فأعطاهم ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده فقال لهم ومن يستعفف يعفيه الله ومن يستعني يغني الله ومن يتصبر يصبره الله وما أوتي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. Donc il dit, lorsque des gens vinrent demander au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et qu'il donna tout ce qu'il possédait, à tel point qu'à la fin, ses biens s'épuisèrent. Qu'est-ce qu'il leur dit? Celui qui se suffit, Allah lui suffira. Celui qui se contient, Allah le fera patienter. Et que personne n'a reçu de don plus grand et plus large que la patience. Al-sabr. C'est là le plus grand don que le serviteur peut recevoir. Donc il dit, et la patience louable est de trois catégories. Ce sont les trois catégories de la patience qui sont souvent évoquées dans les livres. La première, la patience sur l'obéissance d'Allah. C'est-à-dire que la personne persévère et perdure sur l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala en appliquant les obligations. Car cela demande de la patience. Ce n'est pas tout le monde qui arrive à faire les 5 salawat, qui arrive à jeûner, qui arrive à prendre son argent, aller faire le hajj, à sortir la zakat, et ainsi de suite, et à faire les actes surrogatoires. Cela demande de la patience. Deuxième catégorie, as-sabr 'an ma'siyatillah. Le fait de se contenir, de ne pas tomber dans la désobéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car on sait également que inna an-nafs la'ammaratun bisu, que l'âme est incitatrice au mal. Donc de là, il faut se contenir. Cela demande de la patience face à toutes ces désobéissances que l'âme désire. Toutes ces choses-là qui sont attirantes pour l'homme, celui qui se contient aura fait preuve de patience. Et cela est la deuxième catégorie. Et la troisième, c'est la patience sur le décret d'Allah, ce qu'il a prédestiné. Ce qui pourrait arriver au serviteur comme épreuve, qu'il patiente dessus. Par exemple, demain, il est atteint de maladie, il est atteint de pauvreté, ou il est atteint d'une calamité dans sa personne, ou dans ses biens, ou dans sa famille, ainsi de suite. Il doit patienter, il doit faire preuve de patience. Naam. La yakadu ahadun yajidu lazzat al-haya ila bis-sabr. Wa qad qala Umar, wajadna khayru 'ashina u'ishina bis-sabr. Wa la yakadu ahadun yathbutu 'ala ta'ati Allah illa bis-sabr 'ala dhalika. Donc il dit que presque personne n'est en moyen, en mesure de pouvoir goûter aux délices de ce bas monde, si ce n'est par la patience. Et que Omar, radiallahu anhu, a dit, nous avons certes trouvé le meilleur de notre vie dans la patience. Et que personne n'est sur le point de pouvoir être ferme sur l'obéissance d'Allah, si ce n'est par la patience. Non. Car celui qui ne patiente pas, craque. Celui qui ne patiente pas, se rebelle. Celui qui ne patiente pas, dévie. Comme cela viendra, Inch'Allah, par la suite. Et également que la patience, du moins le courage face aux épreuves, cela n'est que le fruit d'une patience. Comme le chier le cite à l'instant, il dit Wahina qala Jalut wa qawmuhu lamma amilu aw lamma alimu anna shaja'ata hiya musabara al-adu qala ربنا أفلغ لنا الصبر وتوفانا مسلمين. que lorsque Jalout dit, ainsi que ses troupes, lorsqu'ils ont su que le courage n'est que le fait de patienter face à l'ennemi, qu'est-ce qu'ils dirent ? Dans le sens, au Seigneur, verse sur nous de la patience et fais-nous mourir en étant muslim. En étant muslim. وكان جواب موسى لقومه استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عبادي والعاقبة للمتقين. Et quelle fut la réponse de Moussa après que ceci ait subi l'injustice de Pharaon? Il dit, dans le sens, et rechercher de l'aide auprès d'Allah et patienter, car certes la terre appartient à Allah, il la fait hériter à qui il veut parmi ses serviteurs, et que la bonne rétribution est pour les pieux. Donc là, faire preuve de patience. وَالصَّبْرُ قُوَّةٌ كَمَا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ عِنْدَ الْبُخَارِي لَيْسَ الشَّدِيدُ بِسُلْعَةٍ وَلَكِنَّ الشَّدِيدَ الَّذِي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ. Donc il dit également, la patience est une force, comme le prouve le hadith rapporté par Abu Huraira, selon Abu Huraira, rapporté par l'imam Bukhari, rahmatullah alayhi, lorsqu'il dit, sallallahu alayhi wa sallam, que le fort n'est pas celui qui se met vite en colère et qui frappe les gens qui les maîtrise, du moins. Qui les frappe et qui les met à terre. Cependant, le fort, le vrai dur, c'est celui qui se contrôle lors de la colère, qui arrive à se tenir lors de la colère. والصبر نصر والصبر أيضا حرز من الشيطان يقول سبحانه إن تمسسكم حسنة تسؤهم وإن تصبكم سيئة يفرحوا بها وإن تصبروا وتتقوا لا يدركم كيدهم شيئا. Donc il dit que la patience est un secours, et également la patience est une protection contre Shaitan, comme Allah dit dans le sens, et si jamais un bien vous touche, cela les rend mécontents, ils s'en déplaisent. Et que si un bien, ou plutôt une calamité vous touche, ils s'en réjouissent. Et que si vous patientez et que vous craignez, leur complot ne vous nuira en rien. Naam. Fassaburu nasrul anbiya. La patience fut... C'est par la patience que fut apporté le secours au prophète. Quand Allah Azza wa Jal, Fassaburu ala ma kuzzibu wa uzu hatta atahum nasruna. Et ils patientèrent sur ce sur quoi ils furent démentis, c'est-à-dire traités de menteurs, et ce sur quoi ils furent offensés, jusqu'à ce que notre secours leur parvienne. Donc de là, on voit que les prophètes ont été démentis, traités de menteurs, ont été insultés, offensés, grand nombre de dommages leur ont été portés, et cependant, le secours d'Allah subhanahu wa ta'ala leur est venu après cela. وَيَقُولُ سُبْحَانَا مُبِينًا أَنَّ شَجَاعَةَ وَالثَّبَاتَ تَكُونُ بِالصَّبْرِ إن يكن منكم عشرون صابرون يلغبوا مئتين وإن يكن منكم مئة يلغبوا ألفا من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. Donc il dit que Allah, en déclarant ou en éclaircissant, en clarifiant que le courage et que la fermeté ne viennent que par la patience. Lorsqu'il dit dans le sens, s'il y a parmi vous 20 patients, ils vaincront 200, c'est-à-dire des ennemis. Et s'il y a parmi vous 100, c'est-à-dire le patient endurant, ils vaincront 100 parmi ceux qui ont mécru, car ils sont un peuple qui ne comprennent pas. Donc là, toujours faire preuve de patience. Dans le jihad, dans la talab al-ilm, dans les mu'amalat avec les gens, les échanges avec les gens, dans toutes choses, dans les épreuves. Faire preuve de patience. وَالَّذِينَ يَتَزَهْرَكُونَ عَنِ الْمِنْهَجِ السَّلَفِ وَيَمِلُّونَ عَنِ الْعِلْمِ الشَّرْعِ وَيَقَعُونَ فِي كَثِيرٍ مِنَ الْمَعَاصِي بِضَعْفِ الصبر لديهم وضعف الهمة لديهم والله يقول وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. Donc il dit ceux qui ont viré, qui ont dévié du ménage salafi et qui se sont penchés, du moins qui ont délaissé la science légiférée et qui sont tombés dans beaucoup de désobéissance, cela pourquoi? Pour leur faiblesse, pour leur manque de science. Pour leur manque de patience. Et pour leur manque de motivation. La faiblesse de leur motivation. Et Allah, dans le sens, il dit, et nous avons fait d'eux des guides qui mènent par notre ordre après qu'ils aient patienté. Et pour la certitude qu'ils avaient envers nos versets. Regardez qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné le statut de imam à des gens, de guide, de meneur, qui mènent par l'ordre d'Allah, cela quand, après qu'ils aient patienté et qu'ils aient eu de la certitude envers les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous le voyez aujourd'hui, ça également par exemple, parmi beaucoup de gens qui s'immiscent et qui se lancent dans la da'wah, vous les voyez se précipitent. Ils ne patientent pas sur le fait de s'asseoir longtemps pour acquérir la science et de patienter sur les épreuves qui en découlent. Car rechercher la science, c'est une chose qui demande de la patience. Et tu les vois faire talab el-ilm un an, deux ans, peut-être moins que ça, ou peut-être même ne pas faire du tout talab el-ilm, et directement vouloir passer l'étape du statut de prédicateur. Ou voir ouvrir un merkez alors qu'ils n'ont même pas pris les bagages qui conviennent plutôt pour pouvoir tenir cette da'wah qui, elle, n'est pas une mince affaire. Ils s'imaginent que la chose est simple. Ils ont vu par exemple des mashayikh ouvrir des marakis, avoir plein de toulab, et ils se précipitent à vouloir avoir la même chose, sans avoir vu les épreuves qu'ont duré ces gens auparavant. À l'exemple de Cheikh Mokbil, rahmatullah alayh, quand il est arrivé à Demedj, il avait un tout petit masjid, il a commencé déjà par faire des cours de Coran pour les enfants, et ainsi de suite. Et sans même qu'il n'ait fait de pub, sans qu'il n'ait fait d'attraction, sans qu'il n'ait fait quoi que ce soit, Allah a fait qu'il y a la baraka dans sa science et que les gens ont entendu parler de lui. Les gens ont entendu parler de lui et ont commencé à affluer vers lui de tout pays. Sans qu'il ait pour longtemps fait les causes pour attirer les gens vers lui. C'est une chose que Allah il a voulu. Pourquoi ? Pour ce qu'il a patienté, ce qu'il a enduré et pour la science qu'il a recherchée. C'est Allah subhanahu wa ta'ala qui décide que cet homme a été connu, que les gens viennent vers lui. Mais aujourd'hui, les gens n'ont rien fait et font un tas de promotions, un tas de publicités pour leur merkez. Hein, faites des dons pour le centre Intel, aidez-nous à propager la science, ainsi de suite, alors qu'ils n'ont rien fait. Ils se précipitent. Ils veulent le résultat avant d'avoir fait, d'en avoir semé les graines, hein, d'en avoir fait la semence et d'avoir patienté sur le travail à fournir. Donc ça, c'est l'estirjel. Et l'estirjel, c'est khilaf et sabr, que la précipitation sont le contraire de la patience. Et de là, tu les vois tomber dans des erreurs, dans des contradictions, dans des transgressions du fait qu'ils n'ont pas appris et qu'ils se sont précipités et que face à l'épreuve, ils ne font pas preuve de patience. Donc le chef poursuit en disant « Wallahi kod amaraka antasbira ala ta'ati » Wa kale Fayyabi Allah t'a ordonné de patienter sur son adoration et son obéissance. Kale ta'ala li nabihi et Allah subhanahu wa ta'ala dit à son prophète « Wa li rabbika fasbir » Et pour ton Seigneur, patiente. فأنت مأمور أن تصبر لربك ولعبادة ربك قال تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واستبر عبادتي هل تعلم له سميا Il dit que Allah, donc toi tu étais ordonné de patienter pour ton Seigneur et pour l'adoration de ton Seigneur. Allah dans le sens dit Seigneur, le Seigneur des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux, adore-le donc et patiente sur son adoration. Le connais-tu un homonyme, c'est-à-dire quelqu'un qui possède les mêmes noms que lui dans leur sens et leur réalité. Et bien sûr, non. Allah subhanahu wa ta'ala a les plus beaux noms et personne ne les garde cela. Laysa kamithlihi shay. Istabir li'ibadati wathbut ala ta'ati. Fa'in wa in adhaka ahlul fitan wa ahlut tahazzub wa ahlul khurafat wa ahlul khurafat fa anta ma'jurun. Qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam يبتلى المرء على قدر دينه فإن كان في دينه صلبا شدد عليه وإن كان في دينه رقة خفف عليه. Donc il dit patiente et endure pour son adoration et reste ferme sur son obéissance même si les gens des fitan viennent à t'offenser, à te nuire ou les gens de la hizbiya ou les gens des transgressions. Toi, inchallah, tu es récompensé à patienter. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que l'homme est éprouvé en fonction de sa religion, c'est-à-dire de sa foi, de sa force. Donc si dans sa religion il a une force, alors son épreuve lui sera plus forte. L'épreuve qu'il subira sera plus dure. Hein? Elle sera endurcie, son épreuve sera endurcie. Et que si dans sa religion il a une légèreté, alors son épreuve lui sera amoindrie. Son épreuve lui sera amoindrie. وقال النبي صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير إن أصابته سراء شكر فكان خير له وإن أصابته سراء صبر فكان خير له. Il dit que comme est surprenante l'affaire du croyant et que toute son affaire pour lui n'est que du bien. Que si un bien l'atteint et qu'il remercie, alors cela est meilleur pour lui. Et que si un malheur l'atteint et qu'il patiente, alors cela sera meilleur pour lui. Donc tout revient à la patience. Ensuite, il dit, Anta أنت تتسلى في هذه الدنيا بالصبر تسلي نفسك لما حصل لمتقدمين من الأنبياء والصالحين بل والله إن أهل الباطل يصبرون على باطلهم قال تعالى عنهم وانطلقوا الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على أهليتكم إن هذا شيء يراد. Donc il dit, toi, tu te consoles, tu te rassures dans cette dunya par la patience et l'endurance. Hein, et que tu te consoles en prenant exemple de ce qui est arrivé au précédent parmi les prophètes et les gens pieux. Tu regardes leur parcours, ce qu'ils ont vécu comme épreuve, et cela, Inch'Allah, te rassure et voit, t'amène à voir que tu n'es pas le seul dans ton épreuve et que bien, même ton épreuve peut être légère. Quand tu regardes ce qui arrive aux autres, tu te dis, il ne t'est rien arrivé. Là, tu réalises que tes épreuves sont bien faibles par rapport à eux. Et voire même que les gens du faux, eux-mêmes, patientent sur leur faux et persistent dessus. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, où ils disent, « Et leurs notables s'en allèrent en disant, allez-vous-en et patientez sur vos divinités. » C'est certaines choses désirées. Hein? Que là, les gens du faux, eux, appellent à quoi ? Lorsqu'ils sont sur leur faux, à persévérer dessus et à persister. « فَأَلُوا الْحَقِّ أَحَقُّ أَنْ يَسْبِرُوا عَلَى طَاعَةِ اللَّهِ وَأَنْ يَسْبِرُوا عَلَى أَقْدَارِ اللَّهِ عَنْ مَعَاصِي اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. Wallahu musta'an. Donc il dit, donc de là, les gens de la vérité, eux, sont plus en droit encore de patienter sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala et sur son destin, ce qu'il a prédestiné et son décret. Et de patienter quant au fait de tomber dans les ma'asi, dans les désobéissances. Voyez. Ensuite, il poursuit en disant, là, je saute des paragraphes parce que c'est assez long. Là, c'est répétitif, c'est pour pouvoir écouter le cours, inshallah. Wa anta tara anna Allah amara bi tasbir nafsihi. فالنفس تريد ان تذهب ها هنا وها هنا ولكن الذي يصبرها على طاعه الله والذي يفرح والله ان الناس في خساره الى من وفقه لمن وفقه الله للصبر على طاعه الله والله ان الناس في خساره الا من وفقه الله للصبر على طاعه الله والتواصي بذلك كما قال ربنا سبحانه والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Donc il dit, Allah subhanahu wa ta'ala ordonne à l'individu de se contenir et de contrôler son âme. Car si jamais tu la laisses faire, elle voudra aller par-ci et par-là. Hein? Elle voudra se disperser par-ci et par-là. Cependant, celui qui la maintient, la contrôle sur l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui aura réussi. Hein? Et que les gens sont dans la perdition, à part ceux à qui Allah aura accordé le succès en leur accordant la patience sur son adoration. Et qui s'enjoignent pour cela. Comme dans Sourate al-Asr, comme vous connaissez, disons le sens, par le temps, certes, l'homme est en perdition. Hormis ceux qui ont cru et qui ont œuvré de bonnes œuvres et qui sont enjoints dans la vérité et dans la patience. Donc ensuite il poursuit en disant dans le hadith, قولهو والقرآن هدية لك أو عليك. Que le Coran est un argument pour ou contre toi. Le shir poursuit en disant, هدية على من لم يعمل به وهدية لمن عمل به. وفي الحديث في حديث النواس بن سمعان يؤتى بالقرآن يوم القيامة وأهله الذين كانوا يعملون به في الدنيا تقدم البقرة وآل عمران تحت تحاجان عن صاحبهما. Donc il dit que le Coran est un argument pour celui contre celui qui ne l'aura pas appliqué et un argument en faveur de celui qui l'aura appliqué. Comme cela est vu dans le hadith de Nawas Musam'an, qu'il dit que Yom al-Qiyama, on viendra avec le Coran et que ces gens seront ceux qui auront appliqué en ce bas monde. Donc là, on verra surat al-Baqara et al-Imran qui viendront afin d'argumenter en faveur de celui qui les aura mémorisés et appliqués. Ce n'est pas seulement le fait d'avoir mémorisé et de bouger les lèvres. C'est celui qui les aura compris et appliqués. Il était connu même chez les salafs que celui qui avait appris surat al-Baqara, hein, mémorisé et appliqué, c'était un alim, c'était un savant. Considéré comme un savant, juste pour surat al-Baqara. Alors que dire du Coran entier ? فالذي ما يعمل بعلم سواء القرآن أو غيره سواء القرآن أو غيره أو غيره طيب فالذي ما يعمل بالعلم سواء بالقرآن أو بغيره من علوم الدين الله وحجة عليه. Donc celui qui n'applique pas la science, qu'il s'agisse du Coran ou autre, parmi les sciences légiférées de la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela sera un argument contre lui. والذي يكون علمه حجة عليه أو يكون عنده علم لا ينفعه إما أن يكتسب علما لا ينفع وإما أن يكتسب علما نافعا لكن لا يعمل به فهو حجة عليه في الحالتين. Donc il dit, celui qui dont la science est un argument contre lui, ou celui qui a une science lui étant inutile, c'est celui par exemple qui recherche une science qui ne sert à rien. C'est-à-dire pour l'au-delà. Comme les sciences mondaines. Les choses qui n'ont pas vraiment de bénéfice à tirer pour la Ummah et pour la religion. Ou alors celui qui aura appris une science bénéfique, c'est-à-dire une science légiférée ou une science qui sert à la communauté ou quoi, mais qui ne l'aura pas appliquée. Alors celui-là, cette science sera un argument contre lui. Hein, et dans les deux cas, cela sera un argument contre lui. Celui qui aura une science qui ne sert à rien, ou celui qui aura appris une science profitable et qui ne l'aura pas appliquée, dans les deux cas, cela sera contre lui. Yawm al-Qiyam. Donc il dit, وَهَذَا مَقْتٌ كَبِيرٌ أَنَّ الْإِنسَانَ مَا يَنْتَفِعُ بِعِلْمِهِ مِثَلَ الَّذِي يَأْمُرُ بِالْمَعْلُوفِ وَلَا يَأْتِهِ كَمَثَلِ الشَّمْعَةِ تُضِيءُ لِلنَّاسِ وَتُهْرِكُ نَفْسَهَا. Donc celui, il s'agit là d'une chose, d'une grande calamité pour celui qui ne se sera pas élevé par sa science. Celui qui aura acquis une science et que celle-ci ne lui aura été d'aucune utilité. Ensuite, il sort le hadith que celui qui ordonne au bien et qui ne l'applique pas est à l'exemple d'une bougie qui éclaire les gens et qui se brûle elle-même. Hein, qui se brûle elle-même. Et il dit Hassan ou Bad al-Ilm an Abi Huraira. Et que ce hadith a été rendu Hassan par certains gens de science, selon Abu Huraira. هذا الذي ما يعمل بعلمه صار حجة عليه. والله يقول يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. Donc celui dont la science n'est pas appliquée, cela sera un argument contre lui. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens, ô vous qui avez cru, pourquoi dites-vous ce que vous ne faites pas, hein? Et quel grand péché auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala que de dire ce que vous ne faites pas. هذا مقت كبير وقال تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون. Donc il dit dans le sens, est-ce que vous ordonnez aux gens la piété alors que vous vous oubliez vous-même, alors que vous lisez le livre, n'avez-vous donc pas de raison, hein? N'avez-vous donc pas de raison? C'est-à-dire, attendez. Et également, il dit, selon son prophète Shu'aib, alayhi salatu wa salam, wa ma uridu an nukhalifakum ila ma anhaakum anhu. Donc Shu'aib, quand il dit à son peuple, dans le sens, et je ne veux pas vous contredire dans ce quoi je vous interdis. Hein, je ne veux pas m'opposer, c'est-à-dire vous dire de faire une chose, et moi-même je la contredis. فَالْمُعَلِّمُ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ مِنْ أَوَّلَ مَنْ يَعْمَلْ بِالْعِلْمِ وَأَنْبِيَءُ اللَّهِ تَرَى أَحَدَهُمْ يَقُولُ وَأَنَا أَوَّلْ مُسْلِمِينَ. Donc l'enseignant est le premier qui doit appliquer la science. Et les prophètes d'Allah, subhanahu wa ta'ala, tu vois l'un d'entre eux dire, comme dans le sens de la parole d'Allah, subhanahu wa ta'ala, je suis le premier des soumis. Le premier des musulmans. C'est-à-dire qu'il a vu l'islam, qu'Allah l'a ordonné, donc il est le premier à l'appliquer. يعني أول العاملين بما أدعوكم إليه. C'est-à-dire, je suis le premier à appliquer ce à quoi je vous appelle. وقال en parlant de Bani Israël, il dit أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون. Donc dans le sens, est-ce que vous convoitez qu'ils vous croient alors qu'une partie d'entre eux écoutait la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, ensuite ils la déformèrent après l'avoir comprise alors qu'ils savaient très bien, en toute conscience, en toute connaissance. Donc Allah subhanahu وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين. Et il dit également d'eux, tout en parlant de Bani Israël, alors qu'auparavant ils dominaient les ceux qui avaient mécru, et lorsque leur vint ce qu'ils connaissaient auparavant, ils mécrurent, hein, ils y mécrurent, et la malédiction d'Allah est sur les mécréants. C'est-à-dire que ils avaient le dessus sur les koufars par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et par l'application du livre. Et lorsqu'une vérité leur vint de leur Seigneur, qu'ils savaient très bien, c'est-à-dire la vue de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, alors ils délaissèrent cela. Et de là, ils ont couru la malédiction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au fi sahih muslim, min allazina yu'azzabuna yawm al-qiyamah, rajulun atahu Allahu 'ilman, faqara al-Qur'an thumma yu'arrifuhu ni'matah. Fayuqalu, madha 'amilta fiha? Fayaqulu, qara'tu fika al-Qur'an. وعلمت فيك القرآن فيقال فيقول كذبت إنما تعلمت تعلمته ليقال عالم فقرأت القرآن يقال قارئ. Donc il dit, toujours rapporté par Muslim, que parmi les gens qui seront châtiés le jour de la résurrection, un homme à qui Allah subhanahu wa ta'ala aura donné de la science et qui aura récité le Coran. Ensuite Allah subhanahu wa ta'ala lui fera reconnaître son bienfait sur lui et lui dira, as-tu agi en conséquence? Il dira, ô Seigneur, j'ai lu le Coran pour toi. Et j'ai enseigné pour toi. Donc il lui dira, tu as menti. Tu as simplement appris le Coran juste pour qu'on dise de toi que tu es un savant. Et tu as resté le Coran juste pour dire que tu es un récitateur. Juste pour qu'on dise que tu es un récitateur. Hasilun haza anna adam ta'alum al-ilm dalal wa adam al-amal bil-ilm ghadab. Qala ta'ala, اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Donc il dit, le topo de tout cela, c'est que celui qui n'apprend pas, hein, le fait de ne pas apprendre la religion, cela est un égarement. Et le fait de ne pas appliquer cette science acquise, cela également est une colère. Comme dans la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens relatif approché, dans surat al-Fatiha, guide-nous sur le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as comblé de tes bienfaits et non pas de ceux qui ont encouru ta colère ni des égarés. فالمغضوب عليهم هم اليهود علموا ولم يعملوا وضالون هم النصارى أعرضوا عن علم وعبدوا الله على جهل فضلوا. Donc ceux qui ont encouru la colère sont les juifs, car ils ont su mais n'ont pas appliqué. Et les égarés sont les chrétiens, ceux qui se sont détournés de la science et qui ont adoré Allah subhanahu wa ta'ala sur l'ignorance. Alors ils se sont égarés. Et là, tenbi par rapport au fait de une question qui est souvent posée, par rapport à celui qui ordonne au bien et ne l'applique pas, ou interdit le blâmable et l'applique. Là, il y a deux cas. Il y a deux cas. Car toute personne est amenée à commettre des erreurs et à avoir des manquements dans sa religion. D'accord ? Seulement, les gens sont de deux catégories. Ceux qui ont des faiblesses et des manquements, comme nous l'avons dit, et il y a les hypocrites. Les gens ne sont pas pareils. Car toi, par exemple, demain, tu vas ordonner aux gens un bien que toi-même n'appliques pas, par faiblesse, par manquement. Est-ce que le fait que tu n'appliques pas ce bien t'interdit d'appeler les gens à le faire? Non. Car le fait d'appeler au bien est une obligation pour le musulman. Ne pas se dire, je ne le fais pas, donc je ne peux pas y appeler. Si tout le monde ouvre cette porte-là, plus personne ou presque plus personne n'appellera au bien. Car nous avons tous des manquements et des faiblesses. Et également, celui que tu conseilles ne doit pas prendre en compte tes manquements pour refuser ton conseil. Kama yukol, hein? Yenfauka nushi, waladuluka naksi. Que Mon conseil te sera bénéfique, mais mes manquements ne te nuiront à rien. Donc également, ne pas ouvrir cette porte-là, de dire, toi tu ne le fais pas, alors pourquoi tu me dis de le faire? Toi tu ne le fais pas, alors pourquoi? Comment peux-tu m'ordonner de le faire? Non. Car de là, cela amènera également à quoi? À délaisser le bien. Cela est une chose qui est venue chez les El-Kitab, vous pouvez trouver dans la Bible actuellement, il rapporte une histoire mensongère de Isa alayhi salam, lorsqu'il dit, une femme avait fait zina. Hein, une femme avait fait zina, et de là les gens vinrent autour d'elle pour la lapider, car telle était la peine. Même dans l'Injil, la lapidation était la peine encourue pour le fornicateur. Et de là, ils prétendent que Isa, on va plutôt dire Jésus dans leur version, car Isa alayhi salam n'a jamais pu dire une telle chose, que lorsqu'il a vu les gens venir autour d'elle pour la lapider, il dit quoi? D'après eux, il dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Et donc là, ils sont tous arrêtés. Il est certain que cette phrase-là est un pur mensonge de Isa alayhi salam, qui n'a jamais pu avoir dit ça. Cela amène quoi maintenant? C'est leur théorie à eux, que l'on voit chez les koufars aujourd'hui, qui disent, tu n'es pas mieux que moi, donc tu n'as rien à me dire. Tu n'as pas à me juger, et je n'ai pas à me justifier. Car toi-même, tu commets des péchés. Et ça, c'est leur philosophie, leur théorie. En islam, cela n'existe pas. Demain, tu commets un péché, demande à Allah qu'il te pardonne. Cela ne doit pas t'empêcher de dire aux gens de ne pas le faire. D'accord? Ça, c'est un waswas de shaitan. Et également, celui que tu conseilles n'a pas refusé ton argument et ta vérité du fait que toi, tu ne l'appliques pas. Cependant, c'est sûr et certain que celui qui commet un péché doit faire attention comme il conseille les gens. C'est sûr, car tu ne seras pas crédible. Demain, par exemple, tu fumes, a'ouzoubillah, tu es quelqu'un qui fume des cigarettes, et tu veux, par exemple, tu vois ton petit frère qui fume, et tu veux l'en empêcher. Est-ce que le fait que tu fumes, tu vas autoriser ton frère de fumer? Non, ça n'en est pas permis. Tu dois l'en empêcher et lui ordonner de ne pas le faire. Cependant, c'est sûr que toi, si tu fumes devant lui, qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, t'es pas crédible. Tu me dis de ne pas le faire, et toi-même, tu le fais. Donc de là, la faïda d'appeler sincèrement à délaisser les interdits, que cela doit t'inciter toi-même à les délaisser. Car c'est sûr qu'au fond de toi, tu vas te sentir pas crédible. Tu dis, ouais, je parle, mais je suis pas vraiment crédible dans ce que je dis, car moi-même, je n'applique pas la chose. Donc cela, le fait d'interdire le blâmable, hein, parmi les fruits qui en résultent, que toi-même, tu vas te remettre en cause et en question, et cela va t'inciter à délaisser ce mal. Tu vas inciter les autres à arrêter de le faire, et toi le premier. D'accord? Mais le fait que tu le fasses ne doit pas t'empêcher de l'interdire. Sinon, on ouvre les portes et plus personne n'appellera à interdire le blâmable. Ça, c'est un point important. Par contre, faire attention à qui maintenant? Au munafiq, celui qui appelle, comme cela est dans le hadith, celui qui appelle à délaisser le mal et lui-même l'accomplit. Lui, il n'en a rien à faire. Lui, il ne le fait pas pour toi. Il le fait juste pour qu'on le vante et qu'on le glorifie. Qu'on dise, regarde cet homme-là, il est ferme. Hein, il est autoritaire, il est droit, il appelle à interdire le blâmable, c'est un homme bien. Et au fond, dans le dos de tout le monde, il le fait, il n'en a rien à faire, il ne craint pas Allah dans ce qu'il fait. Là, c'est un autre cas. Celui-là, c'est le munafiq. D'accord? Là, c'est le munafiq. Donc attention, qu'a fait qu'au lit ta'ala, et ta'mourouna nasa bilbir, wa tensauna anfusakum, wa antum takuna al-kitab, afala ta'qilun. Est-ce que vous ordonnez aux gens la piété et que vous vous oubliez vous-même alors que vous lisez le livre? Là, c'est un blâme pour les bannis d'Israël, car eux le faisaient sciemment, délibérément. Cependant, Allah subhanahu wa ta'ala ne les a pas blâmés, ne leur a pas dit d'arrêter d'en donner au bien et d'interdire le mal. Faire attention à ça. Dans le verset, ce n'est pas le fait que tu n'appliques pas la chose que tu ne dois pas y appeler. Il n'y a aucun blâme là-dessus. Hein? Le blâme est de quoi? De faire le mal, d'accord, et d'appeler aux gens de ne pas le faire. Là est le blâme. Donc cela revient à ce qu'on disait au début. Est-ce que le fait que tu fasses un mal t'empêche d'interdire les gens de le faire? Non. Cependant, cela doit t'empêcher à toi de le faire en premier pour être crédible dans ton appel, hein, et ensuite que ta parole soit acceptée auprès des gens. Mais surtout, surtout, surtout, quand tu appelles à interdire un mal, par exemple, que tu accomplissais, on va dire même l'exemple qu'on disait tout à l'heure, que le fait que tu fumais, et que tu vas arrêter de fumer il y a 2 jours, 3 jours, 4 jours, par exemple. C'est tout récent. Quand tu vas appeler aux autres d'arrêter de fumer, attention, sois doux. Ne viens pas avec la dureté, ne viens pas avec la sévérité, car il se peut qu'Allah t'éprouve que tu retombes là-dedans. N'oublie pas ce que tu faisais toi-même hier, et que ce que tu ressentais, et comment tu étais lorsque les gens t'y appelaient. Donc, toi, viens avec un usloub munasib, avec. Viens, emprunte une bonne voie pour y arriver avec sagesse, afin que ta parole soit acceptée. Car le but en cela n'est pas que toi, ta parole à toi en elle-même soit acceptée, mais que les gens délaissent. Même si ça vient par quelqu'un d'autre que toi. Par exemple, toi, tu vois que tu n'es pas accepté, alors envoie quelqu'un d'autre. Envoie un de tes frères qui est crédible, tu dis, Yahri, moi, je vois que hier, je faisais ça, je ne serais pas crédible, mais toi, Inch'Allah, va les voir par leur et dis-leur qu'ils arrêtent. Inch'Allah, c'est pour leur bien. Tu ne l'as pas fait toi, mais Alhamdoulilah, tu as fait une cause pour que cela arrive, leur parvienne, qu'ils arrêtent. Inch'Allah, tu as fait ton Amlou Marlouf. Même si c'est pas toi qui l'as fait directement, tu as fait une cause pour que cela leur parvienne. Cela démontre un peu, Inch'Allah, ta sincérité que vraiment tu veux le bien pour tes frères. Non. Là, c'est un tenbi par rapport à ça. Ne pas se dire que comme tu fais un mal, tu ne peux appeler les gens à le délaisser. Et que si demain quelqu'un t'appelle justement à délaisser un mal et qu'il lui-même le fait, cela ne soit pas un moyen qui t'emmène à rejeter sa parole. Dans les deux cas, il faut appeler à interdire le mal et appeler au bien. Et dans les deux cas, il faut accepter celui qui appelle à délaisser le mal et appliquer le bien. Non. Et ça, ça demande quoi? Jihad al-nafs. Hein, Jihad al-nafs, combattre son ego. Donc on finit le hadith lorsqu'il dit la partie Kulun nasi yardu fabayirun nafsa famuatikuha ou muqibuha. Et que les gens s'en vont de bon matin. Hein, chaque personne. Et parmi eux, soit ils vendent leur âme ou soit certains la rachètent. Hada sahihun anna minan nas man yashtari nafsahu bitira'a mardatillah wa ta'atillah wa yattakhidhu ad-dunya muti'atan lil-akhirah. Mutiyatan lil-akhirah. Wa minan nas man yu'lid wa yattakhidhu ad-dunya sakanan wa watanan fa yarkan ilayha fa yakhrud fiha wa yazlum fiha wa yufsidu fiha wa ya'malu fiha al-jara'im fa hada muqibu lin-nafsi wallahu al-musta'an. Donc il dit que cela est vrai. Que parmi les gens, certains hein, rachètent leurs âmes en but d'acquérir l'agrément d'Allah. Ils rachètent leurs âmes en but d'acquérir l'agrément d'Allah. Et là, ça revient au début du hadith. Qu'ils patientent sur l'obéissance d'Allah. Donc lui, il prend ce de ce bas monde comme moyen d'acquérir l'au-delà. Celui-là prend ce qui est des dispositions comme moyen mondain en ce bas monde pour acquérir l'au-delà. Un exemple, quelqu'un qui prend une voiture, qui achète une voiture, il habite loin du masjid, très loin du masjid, par exemple. Il ne peut pas y aller à pied. Il veut faire salat en jamara. Et bien lui, il met niyyah d'acheter une voiture pour pouvoir faire sa salat au masjid avec ses frères en jamara. Donc lui sera servi des biens de ce bas monde. Pourquoi? Pour pouvoir accomplir l'adoration et obtenir l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le contraire, celui qui va acheter une voiture pour pouvoir le travailler, pour que son argent, il le dépense dans le mal. Lui, c'est le contraire. Il aura vendu son âme. En vue de quoi? D'acquérir les biens de ce bas monde et l'existence de ce bas monde. Non. Donc il dit que parmi les gens, il y en a certains, comme l'exemple qui vient d'être cité, qui prennent ce bas monde comme lieu de résidence, hein, et qu'ils y penchent. Ils penchent pour la vie mondaine. Donc, ils y commettent des injustices. Ils y font le désordre. Ils sèment le désordre. Ils commettent des crimes. Et celui-là est celui qui aura vendu son âme. Voilà le Moustahan. Car lui, son but c'est quoi? D'obtenir les biens de ce bas monde. Donc pour cela, il sera prêt à commettre des turpitudes, à transgresser l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala, quand son objectif sera de rester en ce bas monde. Donc lui, il s'efforcera de quoi? De faire tout ce mal en but de quoi? D'obtenir les biens de ce bas monde. Et en tirer tous les bénéfices. Et celui-là sera contraint de tomber dans les transgressions. On ne peut pas lier les deux. Vouloir ce bas monde et vouloir l'au-delà. Ce n'est pas possible. Cependant, ce qui te vient de ce bas monde, qui te sert à obtenir l'au-delà, alors prends-le. Et mets une bonne niya. Et ce qui te vient de ce bas monde et qui t'emmène à t'éloigner de l'au-delà, de ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut pour toi, alors délaisse-le. Tel est le sens de cette parole. Donc les gens sont de deux catégories. Ceux qui vendent leur âme, qui rachètent leur âme pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour obtenir l'au-delà. Et ceux qui vendent leur âme, afin d'obtenir quoi? Cette dunya. Naam. Fabiad al-Qad al-Naktafi. On a kul subhanaka l'umma wa bihamdik la ila anta astafiluka wa tubu ilayk. Walhamdulillah rabbil alamin.